Osée chapitre 13. Sitôt qu'Éphraïm eut parlé, on trembla, il avait élevé le royaume en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal, et il est mort. Et maintenant ils continuent à pécher, et ils se sont fait de leur argent une image de fonte, selon leur intelligence, des idoles qui ne sont qu'ouvrage d'ouvriers, mais desquels pourtant ils disent aux hommes qui sacrifient, qu'on baise les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, et comme la rosée du matin, laquelle s'en va, comme la balle qui est emportée hors de l'air par le tourbillon, et comme la fumée sortant de la cheminée. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte, et tu ne devrais reconnaître d'autre Dieu que moi, aussi il n'y a point de sauveur que moi. Je t'ai connu au désert, en une terre aride. Ils ont été rassasiés selon l'abondance de leur pâturage, ils ont été rassasiés, et leur cœur s'était élevé, et ils m'ont oublié. Je leur ai donc été comme un grand lion, et je les ai épiés sur le chemin comme un léopard. Je les rencontrerai comme une ours à qui on a ôté ses petits, et je déchirerai la tête de leur cœur, et là je les dévorerai comme un vieux lion, la bête des champs les déchirera. On t'a perdu, ô Israël, mais en moi réside ton secours. Serai-je ton roi? Où est-il ton roi, et qu'il te délivre en toutes tes villes? Où sont tes gouverneurs, desquels tu as dit, donne-moi un roi, et des seigneurs? Je t'ai donné un roi en ma colère, et je l'ôterai en ma fureur. L'iniquité d'Éphraïm est liée, et son péché est serré. Les douleurs comme de celles qui enfantent, le surprendront, c'est un enfant qui n'est pas sage, car il ne se tient pas à temps à la brèche des enfants. Je les eusse rachetés de la puissance du sépulcre, et les eusse garantis de la mort, j'eusse été tes pestes, aux morts, et ta destruction, au sépulcre, mais la repentance est cachée loin de mes yeux. Quand il aura fructifié entre ses frères, le vent oriental, le vent de l'Éternel montant du désert, viendra, et ses sources sécheront, et sa fontaine tarira, et on pillera le trésor de toutes les choses désirables. Samarie sera désolée, car elle s'est rebellée contre son Dieu, ils tomberont par l'épée, leurs petits enfants seront écrasés, et on fendra le ventre de leur femme enceinte.